Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est Palmarès Fou, édition Franco. Hey, bonjour et bienvenue à l'édition francophone des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2009. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine, on a de nouvelles entrées. Pas mal à part de ça, il y en a 5. On va entendre du Shampoing, du Ariel, du Asso, du Naïve qui était en performance dans nos studios très récemment. Et Flat va commencer l'émission en 20e avec Sexy Délic. Pour ceux qui sont intéressés par ce genre de choses, le numéro de la semaine dernière, c'était les la Patin Rose. Ah, ils sont sûrement plusieurs dans le groupe. La pièce s'appelle Jesse Cock et c'était l'ancien. En fait, c'est peut-être le numéro encore. Quand sais-je? Moi, là, freestyle it, hein? Pas de feuille, moi, tu sais. Moi, je décide n'importe quoi, n'importe comment. Bon. Donc, une nouvelle entrée tout de suite. Voici Flat et Sexy Délic dans les Palmarès. C'est fou. Une émission qui est, en fait, tout à fait préparée, là. C'est... Le plan est tellement beau, je le regarde et je capote. Numéro 19. Ariel et Méfie-toi, Méphisto. C'est une de nos cinq nouvelles entrées cette semaine. Avant ça, il y a eu Naïve avec Echo. Il y a eu Asso avec Agenda, pardon. Et Flat avec Sexy Délique au début du bloc. Il nous reste encore deux nouvelles entrées. Il va y avoir du Shampoing tantôt avec Richesse de la Flore. Mais on commence avec un groupe qui était dans nos studios cette semaine. Celle qui se termine presque, là, celle-là. Vous allez pouvoir réentendre l'entrevue dans l'émission Les meilleurs moments de C'est fou. Ça, c'est vendredi matin à 6h30. En rappel, samedi à 14h. Ici même, sur les ondes de C'est fou, bien évidemment. On ne diffuserait pas les meilleurs moments de C'est fou à une autre station. Hein? Genre. Donc, Shampoing tantôt, Naïve tout de suite. Voici Echo dans les palmarès C'est fou, édition Franco. Wow. Echo Franco. C'est fait pour aller ensemble, ça. Hein? Au 89 FM. Je passe mon temps à boire, à brouiller du noir, à prendre ce qui casse, à

chemin, encore attendre l'inspiration, encore attendre la solution, encore attendre dans ton rang, encore attendre tes 18 ans, encore attendre à tout bout de champ, encore attendre pour pas changement. Toujours attendre après l'amour, toujours attendre les beaux jours, toujours attendre que la mort attendre de plus en plus fort. Le temps est long, long, long, long, long, ça joue au con. Dans la conclusion, attends un peu, ça sera pas long. Vincent Vallière et le temps est long, stable en 13e position francophone, bien sûr. Avant, c'était les Mal Léchés et le Garage qui monte de 6 places en 14e. Et puis en 15e, au début du bloc, c'était les Fatal Picard avec Mon père était tellement gauche, ça monte de 3 places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière de leur album Le sens de la gravité. Oui, vous êtes dans les palmarès, c'est fou. Oui, c'est l'édition francophone aujourd'hui. Et que voulez-vous, c'est comme ça. Et je vous rappelle encore une fois le nouvel horaire, comme je le fais régulièrement pour vous habituer un peu. Les palmarès, c'est fou sont en version anglophone le mercredi entre 13h et 15h. En francophone le jeudi à la même heure. Et tout ça est rediffusé maintenant le vendredi soir entre 17h et 20h. Donc, si vous voulez entendre tout ça dos à dos, côte à côte, nez à nez, hein? C'est les vendredis soirs de 17h à 20h. Voilà. Prochain bloc, il va y avoir du Alexandre Desilets et du Nombre, mais on commence par la 12e position. Elle descend d'une place. Voici Mimi Van Der Loo et Demain, je travaille. Tout de suite au 89.1 FM, www.cifou.ca pour nous écouter en direct sur le net. Je l'ai aussi dans la numéro 10. Je ressors les coups que tu déploies, comme si mon cœur pouvait les prendre pour apaiser les tourments qui hantent. Et que je sois au bout de ta clémence, je saurai aller à ta rencontre, chasser les démons et nous sortir de l'ombre. Je m'en vais briser le silence au-delà des mots qu'on veut entendre. Alexandre Desilets, Où vent nous mène, en 10e position francophone, ça descend de 2 places avant, c'était le nombre avec DB Cooper qui descend de 1 et en 12e place c'était Mimi Van Der Loo avec Demain je travaille qui descend d'une place aussi. Donc Mimi Van Der Loo qui n'a pas monté très haut avant de redescendre, hein. C'est un petit peu triste pour eux, mais bon, on va voir, peut-être qu'avec les semaines qui vont suivre, ils vont remonter. Ils ont encore beaucoup de chance et on sait que Mimi Van Der Loo, oui, est une machine à hit. C'est comme ça que je les appelle, moi, Mimi Van Der Hit. Hein? Bon. Vous êtes dans les Palmarès C'est fou, édition francophone. On continue comme ça, on file jusqu'à la première position qui, en passant la semaine dernière, était occupée par Jesse Cock de La Patère Rose. On va voir si c'est toujours ça d'ici, je dirais, une 45N de minutes, pour inventer un mot. Dans le prochain bloc, il va y avoir nos amis de Hôtel Morphée et de Vanesse Pariétaire, mais on commence ça avec les trois accords. Eux aussi, machine à... Voici Pull Pastel qui descend malheureusement de 6 places. Vous êtes dans les Palmarès C'est fou et on le dira jamais assez. On ne le dit. Ouais, c'est ça. On ne le dira jamais assez. On ne le dira jamais assez. Facile à dire comme ça. We'll be right back.

reste en jeu. Je te jure que je vais t'amener le samedi pour danser. Même s'il fait trop froid, même si on manque de temps. Si la danse est fermée, ben je trouverai un plancher assez beau pour valser un plafond béant. Plein d'étoiles dedans, plein d'étoiles dedans. La fin est interminable, mais la pièce est très très bonne. C'est Hôtel Morphée avec Danse sur les toits, stable en 7e position du palmarès franco. Avant, c'était Valès Perrietar qui descend de la 2e avec Bois vert. Et en 9e, ça descend de 6. Les trois accords avec Pull Pastel, c'est ce qui a ouvert ce bloc de 3 pièces des palmarès. C'est fou. Édition francophone. Mm-hmm. Il nous reste 6 positions à entendre d'ici une demi-heure environ. Il va y avoir La Pâte à Rose et We Are Wolves dans quelques instants. Mais en 6e position, ça monte de 3. Voici Patrick et les Brutes avec chez Candy. Oh, pas mal, c'est fou! Au 89.fm. Quand on se lit La Patte Rose et Jesse Cock, l'ancien numéro 1 de la semaine dernière qui est maintenant en 4e place. Avant ça, c'était We Are Wolves qui est stable en 5e avec La Rue Oblique. Et on a débuté avec Patrick et les Brutes et la pièce Chez Candy. Ça, ça monte de 3, c'est en 6e position. Et l'album s'appelle Toutes les filles sont folles de moi. Il nous reste seulement le top 3 à écouter ici dans les Palmarès C'est fou édition francophone. On va savoir, en fait, on ne saura pas parce qu'on sait déjà, on vient de l'apprendre que La Patte Rose n'est plus numéro 1. Donc, il y a quelque chose de nouveau en haut. De moi et de vous tous là qui nous gouverne, si on veut. On va savoir si c'est soit nos amis au Pakistan, soit Fred Fortin, soit Chinatown. C'est ce qu'il nous reste à écouter. Qui est numéro 1, qui ne l'est pas? Vous verrez bien, il y a des choses qui ont monté très, très haut, très rapidement. Vous allez voir. Il nous reste, comme je disais, environ une quinzaine de minutes à cette portion des palmarès. Et les auditeurs du vendredi vont nous quitter après ça pour aller rejoindre les lutins de l'enfer. Alors que nous, ben, le jeudi, on va continuer jusqu'à Assemblage requis à 15h. Il va y avoir une belle petite demi-heure composée du top 30 des albums et du top 10 loud majoritairement. Donc ça, ce sera tantôt. Pour l'instant, voici la troisième position qui monte d'une place. C'est les amis au Pakistan. Voici Imbra Stingra. Au palmarès, c'est fou. Au 89.fm. Par le passé, j'ai rencontré un être très, très, très... Quel est le mémo de ton mimosa? Quel est le mimus de la fascicule? Répondez une question, sinon mayonnaise et whip. Ha ha! Mr. Ust pose nous black cherry fish. Mr. Ust pose nous black cherry fish. Dance floor, à t'écouter battre des cils. bar est une plage au milieu des tristesses. Oui, je le veux, qu'on lit dans les yeux des garçons quand tu passes près d'eux. Et tes yeux de chanson triste, oh si triste. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton corps est une plage au milieu des tristesses. Si t'en vas, moi je te tiens la porte et allons battre la semelle dans des tas de feuilles mortes. Je ferai en sorte que tu sois mon escorte jusqu'à ce que l'ennui nous sépare, jusqu'à ce que la nuit nous répare de ces voyages au calende. Ma chérie, tu es un hit. Ton cœur est une plage au milieu des tristesses. Et si tu t'en vas, moi je te tiens la porte et allons battre la semelle dans des tas de feuilles mortes. Oh ma chérie. Ton cœur est une plage au milieu des tristesses. Chinatown, et tu es un hit en deuxième position francophone. Ça monte de 13 places. Ça, c'était une nouveauté il y a deux semaines à peine. Et avant d'entendre nos amis au Pakistan avec Imra Stingra qui, elle, monte d'une place. C'est sa huitième semaine. Donc, ça commence à prendre un bout de temps, là, quand même. Est-ce que ça a été numéro un? Je pense pas parce que c'était en quatrième la semaine passée. Bref, peu importe. Je crois que ça l'a déjà été en vrai. Pas mal sûr que ça a déjà été numéro un. C'est presque la fin de l'émission. Il nous reste seulement le numéro un. Et comme le veut la tradition, l'habitude et la coutume, on pourrait même dire, c'est l'heure de faire des jeux de mots. Parce que, tu sais, je veux dire, les jeux de mots, c'est bien beau tout ça, là. T'sais, ça vaut cher. T'sais, je pourrais les revendre. Je sais pas, je pourrais les vendre. Sûrement, je veux arrondir à peu près un dollar. Hein, on pourrait peut-être vendre ça chez Dollar et compléter ici le mot parce que je veux pas dire le nom du commerçant. Il était en entrevue avec nous hier. Vous allez peut-être le reconnaître et peut-être même aller écouter la balado-diffusion sur le CFU.ca très bientôt. Voici donc le numéro 1 du grand palmarès francophone de CFU. Et en première position. Encore trop grand. décidé de flasher l'école a commencé à peine le secondaire. Par la guette enceinte, les sauces de tête, une des histoires. Tout cas, paraît mieux des étagères. C'est bête à dire, mais je suis content pour elle. Elle aurait pu finir dans une poubelle, tripotée par des salauds et des rats, comme plusieurs de ses amis les Chinois. J'imagine que c'est très valorisant, veiller à satisfaire son client. Assis-tu comme ses amis les Chinois? Merci, bonsoir, ni hao, sayonara. J'espérais ici déjà. Ça doit être la petite charrue qui m'en troublait. Je me souvenais plus ce que je faisais là. J'ai viré le coin, ben vite, j'ai ramassé une paire de bas. Avait plus de boutons, des gros tétons, puis un partiel. J'ai continué de marcher dans la. Ça vaut pas cher, mais ça fait bien pareil. Quand je lui dis tu reçois ton chèque de paye dans une enveloppe de papier chinois, signé de la main de Dolorama. J'imagine que c'est très valorisant, veiller à satisfaire son client. Assis-tu comme ses amis les Chinois? Merci, bonsoir. C'était le grand numéro 1 du palmarès francophone de C'est fou. Avant de dire le numéro 1, un petit récapitulatif des trois premières positions. En troisième, c'est Les Amis au Pakistan avec Imra Stingra. En deuxième, Tu es un hit de Chinatown. Et on vient d'entendre le grand numéro 1, Fred Fortin avec Dollarama, qui monte directement de la 19e position. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Song, ça donc, hein, c'était comme Song. On peut abréger, révier. Bref, on s'en fout. Bon, donc, ça a monté directement de la 19e place. C'est un peu le résumé de la chose. J'arrête d'essayer de trouver des façons cute de dire mes affaires, moi. Les auditeurs du vendredi nous quittent. Hein, c'est les lutins de l'enfer qui vont commencer à partir de 20h. Donc, dans quelques minutes à peine, nous, le jeudi, on continue pour une autre demi-heure additionnelle, à valeur ajoutée. Je pense que c'est pas mal la façon de le dire. On va plonger dans le top 30 des albums et dans le top 10 loud surtout. Donc, restez avec nous pour ça. Et sinon, ben à la semaine prochaine pour les gens du vendredi. Mais on se retrouve à Assemblage Rocky quand même, hein, du lundi au jeudi à 15h. À tout de suite, tout bye bye. J'aimais vraiment de façon facile de dire ça. C'est fou, 89.1. Nous revoilà, c'est la deuxième partie des Palmarès C'est fou. Je m'appelle toujours Mathieu Plante, hein, ça vous savez, ou si vous savez pas, ben maintenant vous savez, hein, je vous apprends peut-être quelque chose, qu'en sais-je. Donc dans la deuxième partie des Palmarès C'est fou, ce qu'on aime faire pendant cette petite demi-heure-là, c'est plonger dans le top 30 des albums, dans le top 10 électronique et le top 10 loud. On a survolé le top 3 du top 10 électronique hier, donc il nous en reste deux de ces merveilleux palmarès. Tantôt, on va faire le loud vers la fin de l'émission, mais avant ça, c'est le top 30 des CD qui m'intéressent le plus. On va parler des nouvelles entrées tout de suite. Il y en a une, deux, trois, quatre nouvelles entrées. En 30e place, The Dawes avec North Hills. On a entendu un petit peu hier à l'émission. En 25e, Alberta Cross avec The Broken Side of Time. En 20e, The Job, qui est aussi dans le top 20. Et la même chose pour The Almost, qui est en 19e avec Monster Monster. On va aller écouter tout de suite la formation The Shagbots. Hein? Pourquoi pas The Shagbots, toujours très intéressant comme nom. Où sont-ils? Où sont-ils dans le palmarès? Car oui, je les cherche, je ne les trouve pas. Mais c'est pas grave, on va quand même les entendre. The Shagbots, voici Consequences dans les palmarès. C'est fou! Au 89.1 FM. Non, pas là, ben, ça va pas loin.

Romokto Diamond avec Black Feelings. Très, très, très bonne pièce de l'album Le Choc du Futur. Et ça, ben, c'est en position numéro 27, cet album-là. Ça a descendu de 7 places dans le top 30 des CD. Avant ça, on a entendu Red Mass avec la 21e. C'est leur album qui s'appelle aussi Red Mass. Ça monte de 5 places. Et le morceau qu'on a entendu, 2, était nommé Saturn. Voilà. Au début du bloc, on a entendu The Shack Bots avec une pièce de leur album We Were Born Tigers. Elle s'appelle Consequences. Colin, hein, il manquait des N là-dedans un petit peu. Consequences, oui, c'était le nom de la pièce. Ça a presque réussi à sortir. Voilà, donc ça, c'est le top 30 des CD. Pas mal qu'on a entendu ici dans les Pamères assez fous. Version l'extra, si on veut. Qui continue encore pour une bonne quinzaine de minutes. Et puis, vous êtes avec Mathieu Plante. Ce qu'on va faire là, c'est aller entendre un petit peu du top 10 loud, si ça vous dérange pas trop. On va commencer avec... Qu'est-ce qu'on va commencer? Ça serait difficile de choisir. Ici, ça là, tiens, pourquoi pas un petit peu de Megadeth. On va aller entendre la pièce Bite the Hand. Vous êtes dans les Pamères assez fous au 89.1 FM, mais ça, ben, c'est la radio campus de Trois-Rivières. L'assemblage requis commence dans à peu près 15 minutes, donc restez avec nous. Come on. Wow! Ça, c'était Canopy avec la pièce Decipher. C'est intense, le palmarès loud. C'est pas pour rien qu'on appelle loud. Ça veut dire que c'est fort et lourd. Donc, regardons un petit peu ce top 10 loud dans lequel on était depuis les dernières minutes. Là, il n'y a pas de nouvelles entrées. On va faire le top 3. En troisième, c'est Baroness avec Blue Record qui monte de 7. En deuxième, Megadeth avec Endgame. Ça monte de 3. Et en première, c'est Sacrifice avec The Ones I Condemned. Ce qu'on a entendu au tout début du bloc, c'était Megadeth avec la pièce Bite the Hand. Et ce qui vient de jouer, c'était Canopy avec Decipher. Donc, on nage un petit peu n'importe comment dans ce palmarès-là parce qu'on n'est pas pour jouer le top 3. Vous allez me détester, je pense, peut-être. Je sais pas ce que vous connaissez comme musique, ce que vous aimez. Donc, c'est juste... C'est dans cette heure-ci de la journée, c'est un petit peu particulier. Mais c'est top 10 là, on l'aime bien et on en joue quand même. Bon. On va se quitter avec une pièce de la formation War Call. On va en écouter en fait deux parce que l'introduction va en faire partie. Ça va être Demonarchy ou Demonarchy suivi de War Call The Landing. Ça vient de leur album Demonarchy de War Call. Assemblage requis va suivre à partir de 15h avec moi, Kiwan. Salut Kiwan d'ailleurs qui est avec moi en ce moment. Ah, salut Mathieu. Ça va bien? Oui. Ouais. qu'est-ce qu'on va faire dans l'émission tantôt déjà? Entre autres, Maxime va être là. On reçoit Maxime Lemieux-Laramé qui va venir nous faire ses suggestions de musique à découvrir et à télécharger. Et aussi, on va avoir une capsule Vidon-Ladon la question, une capsule d'humour extrême de Vidon-Ladon la question. Ça va être une très, très bonne émission et ça commence dans quelques minutes à peine. On se quitte avec, comme je disais, War Call et leur pièce The Landing. C'était les Palmarès, c'est fou. Je m'appelais Mathieu Plante. Assemblage requis s'en vient. Restez là. Attention ici à la transition vraiment merveilleuse entre cette pièce et la publicité. On se retrouve dans quelques minutes à Assemblage Requis.